Dans l'actualité, tous les événements ne se valent pas. Pour comprendre ce qui nous arrive, il faut choisir ses thèmes, mais aussi ses invités pour sortir du flot des commentaires et permettre à un vrai débat de s'installer. C'est ce que tentera de faire chaque soir le temps du débat en faisant se rencontrer le monde des idées et les acteurs de terrain. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin, de lundi à vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr. Ancien PDG des éditions Grasset, Jean-Claude Fasquelle nous a quittés le 13 mars dernier. Chez les Fasquelle, l'édition est une tradition. Son père était éditeur de Marcel Pagnol, son grand-père d'Émile Zola. Dans les années 80, les éditions Grasset raflent 4 prix Goncourt, 4 Renaudot, 5 Médicis et 7 Interalliés. Quel était son secret? Jean-Claude Fasquelle, à voix nue, par Virginie Despentes et Élodie Deglaire, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, Nicolas Martin. Il ne leur manque que la parole, nous dit l'expression consacrée. Mais leur manque-t-il vraiment la parole, ou cela vient-il de nous qui de tout temps n'avons pas su écouter, n'avons pas su entendre et peut-être pas su comprendre? Depuis le développement de la bioacoustique, ce domaine pluridisciplinaire qui se charge d'étudier l'émission, la réception mais aussi l'interprétation des sons émis par les animaux, de grands progrès ont été faits dans la compréhension de la structure des échanges sonores entre différentes espèces, des plus évidentes comme le cri des primates ou le chant des oiseaux, plus discrètes comme les stridulations des arthropodes, mais alors in fine, les animaux possèdent-ils un langage ? Ne leur manque-t-il vraiment que la parole ? C'est le programme discursif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette passionnante question de la communication animale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Madvon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, bioacousticien, directeur de l'équipe de neuroéthologie sensorielle à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, membre de l'Institut universitaire de France et auteur de « Les animaux parlent, sachons les écouter ». C'est aux éditions Humaine Science. Et Florence Levrero, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, enseignante chercheuse à l'Université de Saint-Étienne et maîtresse de conférences à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Mais on commence, comme tous les lundis, par un tour complet de l'actualité scientifique du week-end. Et c'est avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, cette étude parue dans la revue Science Advances est la création d'un système nerveux artificiel capable de réagir à la lumière. Oui, comme un vrai système nerveux naturel. Notre système nerveux coordonne nos réactions et les réponses aux stimuli extérieurs sont plus ou moins contrôlées, plus ou moins conscientes. Par exemple, quand on saisit une balle en plein vol ou pendant la vaisselle quand on retire notre main de l'autre eau chaude. Des chercheurs de Corée du Sud viennent de présenter un système qui imite la réponse biologique des humains aux stimuli externes. Ce système nerveux artificiel fonctionne à partir de 4 éléments. Une main robotique qui tient le rôle d'un muscle, une photodiode dans le rôle de l'œil qui convertit la lumière en un signal électrique, un transistor qui tient le rôle d'une synapse mécanique et un circuit neuronal artificiel dans le rôle du cerveau. Puis les chercheurs ont lâché une balle sur ce robot. Différentes expériences et un processus d'apprentissage ont montré que ce système nerveux artificiel a appris à réagir de plus en plus vite et à saisir la balle en moins d'une seconde. Selon les auteurs de ce papier, ce travail ouvre un nouveau chapitre pour le développement de prothèses ou d'organes basés sur l'intelligence artificielle pour des patients qui souffrent de troubles neurologiques. Et vous pouvez retrouver le lien vers toutes ces études, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Sur Mars, dans le cadre de la mission Perseverance, on attendait ce week-end le premier vol de l'hélicoptère Ingenuity, mais ce vol a été reporté, Natacha. Et le premier vol du petit robot devait avoir lieu hier, mais vendredi, lors d'un test de puissance de ses pales d'hélice, la NASA a repéré des dysfonctionnements et a donc décalé ce décollage. Il va avoir lieu ce mercredi, au plus tôt, pour un vol sur place de 30 secondes. C'est une opération à haut risque, puisque l'atmosphère martienne est moins dense que l'atmosphère terrestre. Ce sera le tout premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. Aux États-Unis se déroule une étude inédite sur les effets des revenus des parents sur le développement des enfants. Et pour cette expérience, une équipe américaine a collecté 4 millions de dollars. 1000 participantes, de jeunes mamans à faible revenu, ont été réparties au hasard en deux groupes. Un groupe qui reçoit 300 dollars par mois pendant les 40 premiers mois de l'enfant et seulement 20 dollars pour le second groupe. Alors depuis 2018, un suivi est mené par les chercheurs. Qualité du sommeil, du nourrisson, développement cognitif et émotionnel, santé globale, mais aussi examen par électroencéphalogramme. Alors il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, néanmoins, les chercheurs remarquent déjà que les mères du groupe aisé achètent plus de livres jeunesse et qu'elles passent plus de temps à lire avec leurs enfants, ce qui, on le sait, encourage le développement cognitif. Et enfin, une étude parue dans la revue PNAS, le changement climatique provoque l'exode massif des animaux aquatiques des zones équatoriales. Et sur notre planète, la biodiversité culmine à l'équateur et plus vous allez vers les pôles, plus la biodiversité aquatique diminue. Ce modèle de répartition est en train de changer. Cette équipe australienne a examiné les registres de près de 50 000 espèces marines de partout dans le monde depuis 1955. Il se trouve que les eaux tropicales sont devenues trop chaudes et qu'un grand nombre d'espèces fuient l'océan autour de l'équateur pour les eaux plus fraîches des zones subtropicales. Sauf que ces espèces tropicales peuvent avoir du mal à s'adapter à ces écosystèmes ou à rivaliser avec des espèces endémiques. Selon ce papier, cet exode est un signe avant-coureur d'une future extinction de masse. Merci Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Si sûr pendant de nombreux siècles de son écrasante supériorité sur le reste du règne animal, l'être humain, oubliant bien volontiers au passage qu'il était un animal lui-même, a interdit ou a tout du moins refusé de reconnaître aux autres espèces le don du langage. Mais de quoi parle-t-on précisément lorsqu'on parle d'un langage ? La communication animale acoustique, si elle est aujourd'hui indéniable, est-elle pour autant constituée en langage ? Alors, de très nombreuses espèces animales sont dotées d'outils de communication acoustique, et pas uniquement les vertébrés, une bonne partie des arthropodes aussi. Mais quel est le degré de complexité de ces formes de communication ? Sont-elles innées ou acquises ? Et jusqu'où pouvons-nous entendre ces interactions sans sombrer dans un trait classique de l'être humain qui est l'anthropomorphisme ? Autant de questions auxquelles tâchent de répondre chacun dans leur champ nos deux invités et les bioacousticiens en règle générale. Et pour commencer, bien, pas d'archives aujourd'hui, mais un premier extrait sonore que je vais vous laisser l'un et l'autre commenter. Voilà, un son assez court qu'on peut laisser tourner un petit peu. Je vais vous laisser réagir. Florence Levrero, qu'est-ce qu'on entend à l'instant ? Ben là, on a le plaisir d'entendre un petit bonobo pas content, en cri de détresse en fait. Il vit une expérience probablement inquiétante et par ce cri, il va attirer l'attention de sa mère qui va venir le récupérer, le rassurer. Donc voilà, un cri de détresse d'un jeune bonobo. Alors, je ne sais pas si ce cri vient du Congo, de la République démocratique du Congo, là où ils vivent. On ne les trouve que dans ce pays-là. C'est une espèce endémique à la République démocratique du Congo. Donc nous, on les étudie là-bas, mais aussi en parc zoologique en France, notamment à la Vallée des Singes, près de Poitiers. On a la chance, donc c'est le seul groupe de bonobos en France se trouve à la Vallée des Singes. Et puis on en trouve en captivité dans d'autres régions du monde qui nous permettent donc de les enregistrer et de comprendre un peu quel type de cri va être utilisé dans quel contexte. Et d'essayer de décoder l'information qui peut être comprise dans ces cris. Nicolas Madvon, pourquoi est-ce qu'il est intéressant ce son selon vous ? Ah, pourquoi il est intéressant ? Bah, comme tous les sons. Comme tous les sons, il est passionnant évidemment. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte alors ? On le formule différemment. Il nous raconte, dans ce son, il y a une information quant à la détresse que ressent l'animal qu'il exprime. Donc, ce qui est intéressant du point de vue du bioacousticien, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment cette information détresse est codée, c'est-à-dire par quel quel type de paramètres acoustiques, quels sont les traits acoustiques qui permettent de coder cette information en détresse, de son intensité aussi, et aussi comment elle va être décodée par les individus récepteurs. Et ça, c'est tout le travail de la bioacoustique, en fait, c'est de comprendre ce codage et ce décodage de l'information. On reviendra hein, sur ces différents signaux, puisque ce sont des signaux codés, comme vous le dites, que peuvent s'envoyer ces espèces, notamment les grands singes. On y reviendra avec vous tout à l'heure, Florence Levrero. Mais vous dites, et c'est intéressant dans votre livre, Nicolas Madon, vous dites, les bioacousticiens et bioacousticiennes sont un peu comme Champollion. Vous savez, cet historien français qui a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens avec la pierre de Rosette. Pour décoder les langages animaux, il fut utilisé bien d'autres méthodes, mais le but reste le même, en connaître le sens. Les sons produits par les animaux sont en effet des signaux portant de l'information dont on cherche à percer la signification. Commentaire libre de cet incipit de votre livre. Oui, c'est ça. En fait, c'est le premier objectif de la bioacoustique, c'est de comprendre le codage de l'information. Alors comment fait-on ? Dans bioacoustique, vous avez bio qui est biologie, mais vous avez acoustique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, une des premières démarches de la bioacoustique, en fait, de la bioacoustique, c'est d'analyser la structure acoustique des signaux. C'est-à-dire de comprendre comment ils sont construits, donc en termes de fréquence, de modulation de fréquence, d'intensité, de modulation d'amplitude, de aussi tout le décours temporel des signaux. Et en analysant ces structures, eh bien, c'est d'arriver à isoler, en quelque sorte, les paramètres acoustiques ou les traits acoustiques qui vont porter tel ou tel type d'information. Ça, c'est la première étape, c'est une étape d'analyse. Et qui va vous dire, par exemple, dans tel signal, il y a, je sais pas, une information quant à l'identité de l'espèce qui émet le signal, ou quant à l'identité de l'individu, ou des informations quant au type d'émotion. Là, on vient d'entendre un cri de détresse. Bon. Et puis ensuite, la deuxième étape méthodologique, j'ai envie de dire, c'est de poser la question à l'animal. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas parce que l'analyse va vous permettre d'identifier des traits acoustiques susceptibles de porter de l'information, mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est si les animaux s'en servent, c'est-à-dire si les auditeurs, ceux qui vont recevoir le signal, s'en servent. Et là, l'outil, je dirais, de choix de la bioacoustique, c'est les expériences, ce qu'on appelle les expériences de repasse acoustique ou les expériences de playback. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller faire écouter des signaux acoustiques aux animaux et observer les réponses comportementales. Donc, prenons un exemple. Je ne sais pas, moi, si vous vous intéressez, par exemple, à l'information détresse qui est codée dans un cri, eh bien, pour savoir si cette information est réellement perçue par un animal récepteur, vous allez faire une expérience de playback, vous allez émettre ce cri depuis un haut-parleur, et vous observerez la réponse de l'animal récepteur. Et c'est comme ça qu'on arrive à cerner ces deux étapes de codage et de décodage de l'information. Mais plutôt en milieu naturel ou plutôt en laboratoire ? Alors les deux en fait, hein, tout dépend ce qu'on fait. Alors c'est vrai que je dirais la bioacoustique, c'est une discipline qui se situe au moins, je dirais primitivement, dans le champ de l'éthologie, c'est-à-dire de l'étude du comportement animal. Et les éthologistes, ils préfèrent de loin travailler sur des animaux qui sont dans leur véritable contexte naturel, donc sauvages, en toute liberté, voilà. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait pour partie, hein, nous. Enfin, dans notre équipe, avec Florence, on a à peu près la moitié du travail scientifique qui est effectué sur le terrain. Mais parfois c'est pas si facile d'aller sur le terrain, et donc il y a un certain nombre d'expériences qu'on va réaliser au laboratoire, donc ou en captivité. Alors ça permet, être au laboratoire, ça va permettre de contrôler certaines choses qu'on ne peut pas contrôler dans la nature. Voilà. Par exemple, là, on est en train de démarrer une étude sur la communication ultrasonore chez des souris sauvages africaines. Bon, actuellement, on est en train de regarder leur répertoire vocal, si elles ont des sons différents entre les différents individus. Enfin, on est dans l'ultrason, donc techniquement, c'est un peu compliqué. Le transporter directement au milieu naturel, ça serait infaisable. Donc, on démarre d'abord en captivité. Mais c'est vrai qu'on a l'objectif derrière, ensuite, d'aller vraiment au contact de ce que les animaux vivent réellement dans la nature. Mmh. Florence Levérot, c'est intéressant parce que vous avez le sentiment aussi d'être, comme l'écrit Nicolas Madevon, un peu une traductrice qui s'intéresse finalement à ce champ de traduction qui a été longtemps bien certainement sous-estimé ou voire refusé d'ailleurs par des philosophes. On peut évidemment penser à Descartes, mais pas uniquement. Et complètement, parce que notre objectif, c'est vraiment d'arriver à décrypter leur mode de communication, quel type d'information ils s'échangent et comment est-ce qu'ils la codent. Donc complètement, et l'erreur qui a été faite certainement avec les grands singes, comme ils nous ressemblaient, on avait envie de les faire parler. Voilà. Donc c'est l'erreur du XXe siècle, on va dire, enfin, c'était la première partie. C'est que voilà, l'approche a été mauvaise, on n'a pas essayé de rentrer dans leur monde à eux, mais on a essayé de les faire venir eux dans notre monde, et alors qu'ils n'étaient pas dans des conditions de toute façon pour le faire, et puis pas les moyens tout simplement biologique aussi pour le faire. Donc là, ça fait maintenant bien 40 ans quand même que la primatologie et la bioacoustique qui s'intéressent aux primates à rectifier le tir et vraiment s'intéressent aux systèmes sociaux, quels sont les besoins des animaux, quel type d'informations ils ont besoin d'échanger pour pouvoir vivre ensemble, pas se taper dessus tout le temps justement, arriver à réguler les interactions et la communication entre autres acoustique joue un rôle dans la mise en place des rangs hiérarchiques, dans la relation le fait de renforcer les liens sociaux, etc. Donc oui, c'est vraiment l'idée de décrypter un langage qui fonctionne différemment du nôtre, mais qui fonctionne très bien, puisque ces espèces vivent ensemble dans des grands groupes sociaux pour certaines et de manière tout à fait pérenne. Donc voilà, c'est vraiment j'aime bien cette idée de décrypter. Et comment on fait pour ne pas tomber dans l'excès inverse, surtout quand on parle de langage, d'ailleurs on va poser la question de savoir s'il faut parler de langage ou d'une autre forme de communication, pour ne pas faire... de pas tomber dans le piège de l'anthropocentrisme, de l'anthropomorphisme, et d'imaginer qu'il y a de l'intention là où il s'agit finalement d'une autre forme, juste d'échange. Alors, c'est j'imagine sur qui plus est avec les grands singes. Oui. Alors, je pense qu'on, en effet, c'est toujours un peu dangereux. Et alors, je vais parler après des échanges vocaux, qui est une question qui peut encore plus mener à l'anthropocentrisme. Les questions que nous on se pose, elles restent très biologiques, il me semble. Par exemple, là, le cri de détresse qu'on a entendu. Clairement, il y a une information de l'état émotionnel de l'individu, du jeune qui vit une situation qui le stresse. Voilà. Nous, on a par exemple essayé de chercher chez les bonobos comment est-ce qu'ils codaient différents types d'informations. Et on parle d'informations dynamiques, c'est-à-dire que dans en général chez les espèces, on a un répertoire vocal discret, c'est-à-dire qu'on a un type de cri pour un contexte. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, un animal il va émettre un cri d'excitation ou un cri de contact, ou un cri de contentement ou de peur ou de menace, etc. Donc on a un répertoire comme ça et c'est assez simple. Chez les oiseaux notamment, on va avoir des chants pour défendre un territoire, le chant de la reproduction, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on sait que de plus en plus chez les mammifères, les systèmes vocaux discrets comme ça, en fait, sont pas aussi répandu qu'on le croit, et c'est assez gradé. C'est-à-dire qu'on passe d'un type de cri à un autre de manière continue. Il n'y a pas de réelle séparation acoustique, en tout cas. Quand nous, on fait l'analyse acoustique, on voit qu'on passe d'un type de cri à un autre de manière continue. Donc là, on a regardé chez les bonobos, dans leur répertoire vocal, comment se passe ce codage de l'information dynamique, donc de l'état émotionnel ou physiologique de l'individu. Et on a trouvé une parfaite gradation du répertoire, c'est-à-dire que on passe des deux cris extrêmes, le petit cri de contact qui va être un tout petit très discret, au cri de détresse comme on vient d'entendre là, je vais pas vous le faire. Libre à vous si vous. Non. Après, tous mes amis se moquent de moi pendant des mois, ça suffit. Pas du tout. Mais en tout cas, entre les deux cris extrêmes, c'est net. On ne peut pas se tromper. Si on fait du machine learning, la machine ne va pas se tromper. Elle va bien classer les deux cris, chacun dans sa boîte. Pas de problème. Par contre, pour tout le continuum, toute la possibilité qu'ils ont de produire des cris, en fait, on va trouver une gradation. On va passer d'un type de cri à l'autre. Il n'y a plus de type de cri, en fait. Donc, comment les animaux ils s'en sortent avec ça? Alors que on peut se dire qu'ils ne se voient pas en forêt, en milieu forestier. Souvent, les grands singes sont en milieu forestier. Donc, ils ont souvent que l'acoustique pour pouvoir se repérer, savoir ce que l'autre est en train de vivre. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a montré cette gradation vraiment très très forte dans le répertoire vocal des bonobos, des chimpanzés, ça serait pareil. Mmh. Et on s'est posé la question, Ok. Et alors, la signature individuelle, comment est-ce qu'elle est permanente, quel que soit le type de cri? Est-ce qu'un individu qui ne voit pas, parce qu'il y a du feuillage de partout, est-ce qu'il va savoir que c'est tel cri, tel individu qui est en détresse, ou tel jeune qui appelle, qui a trouvé de la nourriture, par exemple, enfin, voilà. Ça veut d'individualiser les sons de chacun. Voilà. Alors que l'acoustique qui code cette information dynamique varie acoustiquement. Et donc, on a cherché à les paramètres acoustiques qui permettaient de signer cette identité. Et on a trouvé que dans ce cri de détresse, par exemple, la signature individuelle était extrêmement forte, très fiable. Il n'y avait pas de... Les probabilités d'erreur, en fait, sont extrêmement faibles. Une mère, elle va pas se tromper. Elle va reconnaître que c'est son petit, mais même au-delà de la mère, tout le groupe social va avoir appris la voix de l'enfant, du petit, et va savoir que c'est le petit de telle femelle, et que cette femelle, si elle se déplace pas pour l'aider, les autres individus vont être surpris. Ils vont la regarder, la femelle, mais pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas? Et à côté de ça, dans toutes les autres cris qu'on peut avoir enregistrés, on s'est rendu compte qu'on avait une signature individuelle qui était toujours présente. Donc elle existe, mais par contre sa fiabilité, sa force est en fait diminuée le long de cette gradation acoustique en fait. Ce que vous appelez cette gradation en croissant. Oui, c'est voilà, ça. Parce qu'on a vraiment le cri le plus doux, c'est une extrémité du croissant, le cri le plus intense et comme on l'entend là, assez rugueux de l'autre côté, et on passe, c'est vraiment un croissant, imaginez, c'est une très bonne image. Et les informations individuelles sont plutôt au bout des situations d'urgence. Exactement, quand il y a une intensité, une émotion, une excitation prononcée. Nicolas Madbon, vous voulez compléter ou réagir à... Oui, parce que si on revient sur cette question du langage, parce que effectivement, vient de dire Florence, c'est que les animaux ont un répertoire en fait. Certains animaux ont des répertoires vocaux, comme les bonobos par exemple ont des répertoires vocaux, qui effectivement sont gradés. Après, comment les individus font-ils des frontières, par exemple, entre les différents cris? Ça, pour l'instant, on sait toujours pas. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que bien que ce soit gradé acoustiquement, au niveau fonctionnel, il y a quand même des frontières, en quelque sorte, qui définissent différents types fonctionnels de cris. Et ça, c'est là, d'ailleurs, où on touche les limites de l'anthropocentrisme. C'est que, du coup, nous, on ne peut pas... comme on n'est pas bonobo, ce n'est pas à nous de définir ces frontières-là. Après, pour la question du langage, pour revenir sur votre question de tout à l'heure, en fait, quand on pose la question, est-ce que les animaux ont un langage? D'abord, on fait une première erreur, qui est de toute façon, même s'il y a un langage animal, ça ne sera pas un langage animal, mais des langages animaux. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que chaque animal est dans son monde, et donc de toute façon, on ne peut pas parler d'un seul langage animal. C'est pas l'espèce humaine d'un côté, le langage animal de l'autre. Bien sûr. Et après, quand on pose la question, est-ce que telle espèce animale, est-ce que le bonobo a un langage? En fait, il y a deux questions qui sont là-dessous. La première question, c'est la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire un animal comme le bonobo est-il capable de vocaliser autrement que par pur réflexe? Et est-ce qu'il contrôle ses vocalisations en fonction du contexte? C'est une sorte de question de savoir s'il s'agit de quelque chose de totalement inné ou de partiellement acquis. Alors c'est pas tout à fait ça. L'inné et l'acquis, c'est est-ce qu'on est capable de produire, est-ce que la capacité de produire tel ou tel signal va demander un apprentissage? Voilà. C'est déjà une problématique importante. on pourra en reparler. Il y a un certain nombre de choses. Voilà. Mais il y a la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire, est-ce qu'un animal comme le bonobo, est-ce qu'il émet ses vocalisations juste par réflexe, parce que bon voilà, il a peur, il crie, ou est-ce que il y a une certaine maîtrise de la chose, au moins dans certaines situations? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question qui est sous-entendue quand on dit est-ce que tel animal a un langage, c'est est-ce que la manière dont l'information est codée ressemble au langage humain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mots, des phrases, des syntaxes? Voilà. Et en fait, il y a ces deux questions qui sont des questions différentes, en fait. La question du contrôle, c'est-à-dire, est-ce que les vocalisations animales ne sont que purs réflexes ou est-ce qu'elles sont au moins partiellement contrôlées? C'est une question compliquée, parce que comme on ne peut pas se mettre dans la tête d'un animal, c'est compliqué de répondre de manière totalement affirmative à ça. Ce qu'on voit, ce que l'éthologie nous apprend quand même depuis maintenant quelques décennies, c'est qu'il y a un certain nombre de circonstances où des animaux semblent contrôler un certain nombre de choses. Par exemple, alors ça nous éloigne des bonobos, mais on avait fait des expériences il y a quelques temps sur les diamants mandarins, qui sont des petits oiseaux. Bah écoutez, on va les écouter, les diamants mandarins, et vous allez nous expliquer pourquoi c'est intéressant, les diamants mandarins. Alors ça, c'est pas les diamants mandarins, ça c'est France Culture, c'est une autre forme de communication animale. Les diamants mandarins. Voilà, ça c'est des cris de distance de diamants mandarins. Donc c'est un oiseau qui forme des couples assez très fidèles en quelque sorte. Et il y a une reconnaissance vocale entre le mâle et la femelle et vice versa. Et en fait, ce qu'on a montré il y a quelques années, c'est que en captivité, hein, dans les expériences qu'on a faites en captivité, le mâle diamant mandarin répond à la voix de sa femelle, donc il la reconnaît très bien, il reconnaît ces cris-là, mais il va répondre différemment en fonction du contexte social dans lequel il est plongé. C'est-à-dire s'il est en présence d'individus célibataires ou d'individus en couple de la même espèce que lui, ben il va répondre différemment à la voix de sa femelle, plus ou moins. Alors, peu importe l'interprétation de la chose. C'est ce qu'on appelle un effet d'audience, c'est ça ? Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet d'audience. Et donc, peu importe la raison profonde de la chose, mais ce qu'on voit là, on voit que d'une part, le mâle, il est capable d'analyser l'audience sociale qui l'entoure, et qu'en plus, il va moduler son expression vocale, son émission de signaux, en fonction de ce contexte vocal. Voilà, donc ça, c'est ce genre d'indice qui permet de dire que, au moins dans certains cas, le fait de vocaliser n'est pas un pur réflexe. Mmh. Voilà. Bon, j'aimerais peut-être qu'on revienne à deux, trois éléments... basique en tout cas pour définir en éthologie ce qu'est la communication animale, parce que là on parle de communication acoustique, il y a différents types de communication, des communications visuelles, communication chimique, la communication tactile. L'évolution nous montre que la communication acoustique a été assez largement sélectionnée, assez souvent. Oui, je parle sous votre contrôle, Nicolas Madvon. C'est une question de point de vue. Enfin, ouais. C'est pas par la communication chimique est beaucoup plus répandue. D'accord. Parce que bon, biologiquement, une cellule, c'est une usine chimique, donc les outils ont toujours été présents pour la communication chimique. Pour la communication acoustique, les outils sont un peu plus compliqués. Bien sûr. Parce qu'il faut être capable d'émettre, un son, de produire des sons. Donc là, ça demande des structures spécialisées. Donc soit, en gros, il y a deux grands types de structures. Hein, soit on frotte des structures rigides. C'est à la manière des insectes et ça fait du bruit, soit on a un instrument avant et on souffle et on fait vibrer une membrane, et ça c'est ce que font les oiseaux et les mammifères. Mais ça demande quand même des dispositifs anatomiques relativement complexes et qui donc demandent du temps pour se mettre et donc en place, de l'énergie aussi, mais au cours de l'évolution ça demande du temps, et en plus il faut qu'il y ait en correspondance à ce système d'émission un système de réception qui est un point qui la plupart du temps embryologiquement n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'il y a eu une coévolution en quelque sorte de ces deux systèmes, le système émetteur et le système récepteur, et le système récepteur aussi peut-être assez sophistiqué, même si au départ finalement c'est presque toujours une membrane ou un poil qui va vibrer en réaction à des variations de pression de l'air ou de l'eau. C'est une oreille, c'est quand même quelque chose de complexe. Donc finalement la mise en place d'une communication acoustique c'est pas si simple que ça. Et il faut qui plus est par ailleurs être appareillé pour l'interprétation, parce que alors après ça demande un système nerveux, mais ça c'est vrai de toute communication. Oui, certes. Voilà, parce qu'effectivement derrière il faut pouvoir décoder l'information. Et usuellement vous l'expliquez dans votre livre, Nicolas Madvon, ces informations codées, il y en a trois grandes catégories, et d'ailleurs je vais vous demander de le commenter l'un et l'autre. Florence Levrero, on parle d'information statique, d'information dynamique ou d'information contextuelle, c'est-à-dire sur le monde extérieur. C'est à peu près ça les trois grands piliers de classification de la communication acoustique. Oui, la formation statique, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. La formation statique, c'est plutôt des informations d'identité. Mm-hmm. Sont stables dans le temps. Stables. Mm-hmm. Et puis l'information dynamique, c'est plutôt les émotions, enfin les choses qui vont varier dans le temps, même s'il y a des recouvrements, enfin les frontières sont pas si faciles à définir. Et puis les informations à propos de l'environnement, chez les singes, c'est des choses dont on peut parler, ouais, quoi. Ouais. C'est vrai. Oui. On n'a quand même pas des milliers de preuves, mais par exemple, un individu qui va trouver une ressource alimentaire va pouvoir crier, en fait, et ça va envoyer une information à d'autres membres du groupe qui sont éloignés, qui peuvent se rallier. Donc c'est une communication sur quelque chose qui est extérieur à l'individu, qui va servir les congénères du groupe, par exemple. Je revenais sur un peu l'idée d'intentionnalité. Chez les primates, c'est vrai que les vocalisations ont l'air d'être assez innées pour la grande partie. Il y a peu d'apprentissage. Un petit singe isolé de son espèce, de ses congénères, va dans les grandes lignes produire son répertoire vocal de manière innée. Par contre, on a montré qu'il y a quand même une petite flexibilité vocale, mais qui peut faire beaucoup de différence. Et les accents, par exemple, voilà. Les sortes de dialectes qu'on peut enregistrer, qu'on peut noter. Chez les oiseaux, ça a été connu et démontré bien plus longtemps. Mais chez les primates aussi, maintenant, on sait qu'on va avoir des accents en fonction des populations géographiques, mais aussi l'appartenance à un groupe et même à une famille. On a montré, par exemple, chez les mandrilles, qu'il y avait une signature vocale de la famille ou du groupe de copains avec qui on vit, en fait. Le fait de passer du temps avec des individus, on a tendance à sonner. Ils ont tendance à sonner de la même manière, comme l'humain fait aussi. Et je voulais juste revenir donc sur l'idée de la manipulation. Il a été montré, notamment j'ai une belle étude chez les chimpanzés, que quand même des individus étaient dans une situation un peu en détresse, ils étaient capables d'exagérer le danger qu'ils étaient en train de vivre en fonction de l'audience, comme tu disais Nicolas, en fonction de l'audience. S'ils avaient potentiellement un allié qui était dominant, costaud, qui pouvait venir les aider lors d'un conflit, ils allaient exagérer leur détresse pour que l'individu dominant qui est pas trop loin qui peut l'entendre et il va venir à la rescousse. À l'inverse, si dans l'audience, c'est plutôt des individus qui sont dominés par celui qui menace l'émetteur, là, il va pas exagérer parce que ça servirait à rien. Donc, il y a un petit peu de ce petit contrôle-là qui pourrait... qui semble exister, voilà. D'une amplification de l'intention. Voilà, quoi. Donc il y a une manipulation potentiellement quand même des récepteurs, mais voilà, on manque d'exemples, je pense, pour nourrir. Ouais. Mais il y a probablement pas mal de choses qui nous échappent en fait, parce que il y a aussi un certain nombre d'espèces animales qui ont une vie sociale assez complexe et qui, par exemple, coopèrent. Par exemple, vous prenez des mammifères marins comme les orques ou moi j'ai un petit peu travaillé sur les hyènes tachetées qui sont des carnivores africains qui vivent dans des groupes sociaux extrêmement complexes où là aussi il y a des coopérations pour des chasses, il y a des alliances qui se créent entre les individus. Ça demande quand même une certaine flexibilité. Et c'est vrai qu'il est fort peu probable qu'on soit systématiquement dans le domaine de la réponse réflexe. Bien sûr. Voilà. Ce qui est intéressant, et ce que vous notez également dans votre livre, c'est que, alors contrairement pour le coup au bonobo ou au grand singe, la part d'acquis chez l'oiseau, ou chez les oiseaux, alors les oiseaux sont une famille tellement immense que je sais que ça n'a pas de sens en éthologie de parler des oiseaux, véritablement, en tout cas chez certains groupes d'oiseaux, si on les change de nid, ils peuvent se mettre à apprendre, alors que ça n'est pas exactement la même espèce, à apprendre des vocalisations qui seraient de leur groupe adoptif. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a quand même une forme d'apprentissage manifeste chez plusieurs oui. espèces, Nicolas Madvon. Chez les oiseaux, disons que c'est le groupe où effectivement l'apprentissage vocal a été le mieux mis en évidence et le plus étudié. En fait, bon, il y a à peu près 9000 espèces d'oiseaux. Elles n'apprennent pas toutes leurs vocalisations. Celles qui apprennent leurs vocalisations sont essentiellement des oiseaux qu'on appelle les passereaux oscines, même s'il y a d'autres groupes, on connaît les perroquets qui sont capables d'apprendre des tas de choses aussi. Mais les passereaux oscines, c'est-à-dire les passereaux qu'on connaît les plus fréquents, le merle, le rouge-gorge, le rossignol, le canari, voilà, les tourneaux, tout ça, ce sont des oiseaux qui doivent effectivement apprendre à produire leur vocalisation en imitant des oiseaux adultes. Et ça c'est connu maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire que si on élève un petit canari isolé de ses parents, en tout cas d'un tuteur adulte, eh bien ce petit canari sera incapable d'émettre un chant adulte correct. Alors bien sûr, il va vocaliser un peu dans les mêmes fréquences que son espèce, parce qu'il a l'appareil vocal qui s'y prête, voilà, mais son chant n'aura pas la structure classique d'un chant adulte. Et donc ce qui a été montré, et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est y a un magnifique parallèle en fait avec l'apprentissage du langage humain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des périodes sensibles pendant lesquelles les oisillons doivent entendre des tuteurs adultes, donc ils doivent mémoriser des espèces de patterns de chants. Et puis ensuite, il y a des périodes d'entraînement sensorimoteur, hein, donc où ils doivent à la fois pouvoir produire, avoir la possibilité de produire leurs premiers signaux et puis aussi de les entendre, de s'entendre, une espèce par une espèce de feedback comme ça, où ils se corrigent au fur et à mesure. Et puis après, ça se stabilise. Alors là, c'est là où la variabilité du vivant s'exprime. C'est-à-dire que chez certaines espèces, ça se stabilise vraiment. C'est-à-dire que chez le diamant mandarin, par exemple, après à peu près à l'âge adulte, après 3 mois de vie, bah, le chant, grosso modo, il bougera plus du tout pendant toute la vie. Alors que il y a d'autres espèces d'oiseaux qui sont capables de moduler, d'incorporer des nouveaux signaux, voire d'en inventer toute leur vie durant. Voilà. Donc on a vraiment un phénomène d'apprentissage vocal. Et finalement, ces phénomènes d'apprentissage vocaux, on ne les a pas retrouvés chez de très nombreux animaux jusqu'à présent. On pense très fortement que ces phénomènes d'apprentissage vocal, existent chez les baleines, parce qu'on a des indices comme quoi, il y aurait des vous savez, les baleines, enfin en tout cas certaines baleines ont des chants absolument incroyables, comme la baleine à bosse par exemple, et donc c'est une baleine qui a une répartition assez grande à la surface du globe, et il y a des espèces de traditions vocales, de dialectes vocaux, comme Florence disait tout à l'heure, de ces baleines, et on s'est aperçu que parfois il y avait certaines types de vocalisation qui étaient visiblement copié d'un groupe de baleines à l'autre. Voilà. Après, c'est pas commode, hein, de travailler expérimentalement sur les baleines. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de recherches actuellement sur les chauves-souris. Donc il y a quelques indications. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un peu de plasticité vocale chez les chauves-souris. Donc plasticité vocale de l'ordre de ce que Florence évoquait tout à l'heure chez les singes, hein, chez les mandrilles. Après, est-ce qu'elles sont capables de plus, les chauves-souris? C'est-à-dire que est-ce que effectivement elles doivent apprendre? Pour l'instant, je dirais, c'est un peu en chantier. Mmh. Mais on est toujours un peu à la limite entre plasticité vocale et puis vraiment apprentissage vocal, quoi. Il n'y a pas non plus une frontière totalement nette entre les deux choses. Mais pour revenir à la question de l'apprentissage chez les oiseaux, on évoquait tout à l'heure la question du signal, qu'on dit du signal de l'information statique, c'est-à-dire de l'information d'identité. Je propose d'écouter d'ailleurs un oiseau là-dessus. Oui, ça c'est un chant de troglodyte mignon. Absolument. Voilà, que j'ai enregistré pendant le premier confinement du Covid. Alors vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun bruit. Hein, ça... Si vous l'avez enregistré en ville, c'est notable. Voilà, c'était en ville. Enfin, c'était à Saint-Étienne, donc c'est la ville à la campagne. C'est en ville, mais il n'y a aucun bruit. Bon, bref. Donc c'est son chant territorial. Donc chez le troglodyte, comme chez nombreux oiseaux, c'est le mâle qui va défendre un territoire et qui chante. Donc c'est un signal qui a une double valeur en fait du point de vue fonctionnel. Il va défendre un territoire, c'est-à-dire qu'il va permettre de repousser d'autres mâles de la même espèce pour s'assurer, je dirais, une certaine zone dans la forêt de ressources alimentaires. Et puis c'est aussi un champ d'attraction du partenaire. Voilà. Et donc ce champ typiquement, il est à prix. Quoi. Ça c'est un signal à prix. Voilà. Après, ce qui est intéressant avec ces phénomènes d'apprentissage aussi, et ça donne toujours lieu à pas mal d'études sur ce qu'on va appeler la transmission culturelle, hein, finalement. N'ayons pas peur des mots, hein, puisque c'est une transmission de génération à génération, une transmission culturelle. C'est que les oiseaux font des petites erreurs de copie quand ils se copient. Donc, il y a une dérive, en fait. Et non pas une dérive génétique, mais une dérive culturelle, finalement, où le chant se modifie génération après génération. Et quand vous avez des oiseaux dont les populations sont relativement stables géographiquement, c'est-à-dire soit ils restent toujours au même endroit, soit quand ils migrent, ils reviennent sur les mêmes places, eh bien, on a des espèces d'isolats géographiques vocaux qui peuvent se mettre en place, qu'on appelle les dialectes chez les oiseaux. Et on a des exemples où les dialectes sont devenus tellement différents au fur et à mesure des générations que, eh bien, il n'y a plus possibilité d'appariement entre les mâles et les femelles de deux dialectes différents, parce que ça les intéresse plus. Et donc là, on a en fait une possibilité éventuellement même de mise en place de nouvelles espèces, quoi, de spéciation, puisqu'on a une barrière qu'on appelle une barrière prézygotique, c'est-à-dire avant, qui empêche l'appariement et l'accouplement. Une sorte de début de dérive génétique qui commence par le langage. Alors c'est une dérive culturelle qui derrière va entraîner une dérive génétique parce qu'il y aura plus de flux génétique entre les populations. Voilà. On va continuer à parler de bioacoustique et de la question de ces communications acoustiques de langage animaux. On parle pour le moment de grandes espèces. On va reparler encore un peu des grands singes et des primates, mais on va aussi parler des petites espèces, notamment des arthropodes. Vous allez voir que ça communique aussi beaucoup chez les insectes. Voilà, ce sera dans la suite de l'émission. Sarah Rochelle, Fantomastique à 16h40 sur France Culture. Nous parlons de communication acoustique et sonore entre les animaux en compagnie de Nicolas Madvon, qui est biologiste, bioacousticien, directeur de l'équipe de neuroéthologie sensorielle à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et auteur de Les animaux parlent, sachons les écouter aux éditions Humaine Science. Et Florence Levrero, qui est biologiste, ancienne chercheuse à l'université de Saint-Étienne et maîtresse de conférences également à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors au tout début de la coupure musicale, vous avez peut-être entendu un drôle de son qui n'était pas exactement inclus dans le morceau, c'est celui-là. Ouais, ça, ce sont des cris de bébés crocodiliens. Alors, je ne sais pas quelle est l'espèce parce qu'il y a. En fait, ça se ressemble beaucoup d'une espèce à l'autre. C'est probablement du caïman jacaré. Donc, ça, ce sont des cris qui sont émis par les tout jeunes crocodiles, tout jeunes caïmans qui sont tout juste éclos. Et. Là aussi, c'est un répertoire gradé, donc depuis des cris de contact qui permettent aux jeunes de rester ensemble, et jusqu'à des cris où ils sont un petit peu plus, il y a un peu plus d'énergie dans les hautes fréquences, un peu plus modulés, et qui deviennent des cris de détresse, et qui là vont appeler la mère en fait. Et la mère va réagir à ces cris. Donc même les crocodiles, hein, qui sont, bon, vous allez me dire, les crocodiles, c'est pas très loin des oiseaux. Et il y a aussi des soins. C'est pas très loin. C'est pas très loin, voilà. C'est pas très loin. Et l'échelle de l'évolution. L'échelle de l'évolution, c'est pas si loin. C'est-à-dire que si on regarde évidemment 4 milliards et demi d'années de la Terre, c'est pas très loin, certes. Mais bon. Non, mais ça fait quand même partie du même groupe, quand même. Hein. C'est les archosaures. Il y a un ancêtre commun qui est pas si éloigné. C'est ça. Et pas si vieux. Et donc, on a des soins parentaux. Et effectivement, les petits crocodiles ont un répertoire vocal, finalement, qui leur permet d'envoyer des informations différentes à leur mère ou à leurs frères et sœurs. Puisque nous nous posons, au cours de cette émission, la question du langage animal, s'il est légitime de parler de langage, sans évidemment aucune forme de jugement de valeur ou d'anthropocentrisme là-dedans, la question du langage, c'est que le langage suppose effectivement, nous le disions, une grammaire, une syntaxe. Pour ce qui est de vos travaux, Florence Levrero, sur les grands singes, notamment sur les bonobos, vous nous disiez tout à l'heure que, entre les signaux discrets et une élocution continue, était difficile de faire la part des choses. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui, est-ce qu'on comprend, comment comprendrait-on une forme de syntaxe de ces langages-là? Alors, chez les grands singes, pour l'instant, on n'a pas montré de syntaxe. Il n'y a pas l'air d'avoir de syntaxe, de structure grammaticale dans leur communication vocale. Il y a un ou deux papiers qui auraient trouvé certains sons comme des préfixes ou des suffixes qui seraient mis avant un cri et qui préciseraient un petit peu ce qui se passe dans l'environnement. Voilà, c'est une menace, mais s'il y a un petit son juste avant le préfixe, ça préciserait la menace, un arbre qui tombe ou un prédateur qui approche. Voilà, c'est à mon avis encore à confirmer, à creuser. Ouais. Voilà, c'est... Donc moi, je ne m'engagerai pas trop là-dessus. Ce qu'on regarde, alors, en faisant attention à ne pas faire d'anthropomorphisme ni d'anthropocentrisme, c'est par exemple ce qui peut définir le langage. On a parlé de pouvoir contrôler ou pas les sons qu'on émet. Il y a aussi, est-ce que ça répond à des règles? Alors, même si elles ne sont pas syntaxiques, est-ce qu'on ne peut pas trouver des règles tout de même qui pourraient faire penser aux règles d'un langage? On s'intéresse aux règles de conversation. Là, actuellement, nous conversons, on respecte des règles, temporelles, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas se couper la parole, par exemple. C'est ça. On a regardé chez des petits singes, on a trouvé des règles de conversation de ce style-là, où donc il n'y a pas de coupure de parole, il y a un respect d'un petit silence, mais pas trop long non plus, parce que sinon c'est plus une conversation. Si la réponse, le cri suivant arrive 30 secondes après, c'est déjà un peu long pour faire une conversation. Donc voilà, il y a des respects de règles temporelles comme ça, et puis aussi des règles sociales. Par exemple, selon les espèces, ces règles ne sont pas les mêmes, et on peut inclure l'humain, il va y avoir... les dominants vont plus... on va pas encore moins couper la parole à un dominant, ou il va y avoir plutôt des conversations entre individus du même âge, de la même classe sociale, même âge, ou avec des individus avec qui on a des liens importants, des liens sociaux importants. Et donc, on avait cette connaissance-là, c'est assez étrange, chez les petits primates. L'humain, bon, évidemment, c'est là que ça a été développé, toute cette idée de conversation, d'esprit de coopération qui était nécessaire pour la conversation. Mais chez les grands singes, il n'y avait rien. Il y avait une seule étude sur les chimpanzés des années 2000 en milieu sauvage qui montrait qu'il n'y avait pas cette capacité. En tout cas, ils ne pratiquaient pas ces petits échanges vocaux qui rappellerait les conversations humaines. Alors, juste pour faire la différence entre ces échanges vocaux, pourquoi est-ce qu'on regarde ça particulièrement chez les primates? Quelle est la différence avec les duos, par exemple, chez les oiseaux ou les insectes aussi, qui vont pouvoir émettre un petit peu comme des questions-réponses entre deux mâles territoriaux, ou, par exemple, insectes territoriaux? Ce qui fait un petit peu ce qui a attiré notre attention, c'est que chez certains primates, c'est pas un duo, ça serait pas des échanges vocaux avec toujours le même partenaire. C'est-à-dire, c'est pas avec son partenaire sexuel ou partenaire social, mais c'est avec tout interlocuteur du groupe, enfin tout membre du groupe est un interlocuteur potentiel. Donc ça élargit énormément les possibles avec qui converser. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, les contextes sont pas de ces petits échanges vocaux ne se restreignent pas à des contextes de reproduction ou de défense territoriale. C'est à des moments où les animaux semblent être calmes. Comme chez l'humain, on a défini, des auteurs ont défini les règles de conversation, où c'est des moments soit de coopération ou des moments très très calmes entre les individus. Quand on est fâché, quand on a une conversation animée, en général, là on commence à plus respecter les règles. Donc on s'est dit, c'est quand même bizarre que les chimpanzés, alors que les petits singes le font, les chimpanzés, pourquoi ne l'auraient pas, c'est cette capacité de respecter des règles dans les échanges vocaux, alors qu'ils vivent dans des systèmes sociaux complexes, des grands groupes, qu'ils ont des capacités cognitives très développées, qui peuvent quand même coopérer aussi dans la chasse, etc. Donc on s'est dit, on va quand même regarder un peu chez d'autres espèces de grands singes et essayer de refaire l'étude aussi chez les chimpanzés. Donc on a fait ça en effet chez les bonobos. Et là, on a trouvé des règles de conversation. Alors, un petit, c'est-à-dire, on a trouvé des temps très courts entre certaines vocalisations, donc moins de 3 secondes. Et puis, on a trouvé aussi une règle sociale. Enfin, on a trouvé typiquement ceux qui conversaient, entre guillemets, hein, ceux qui avaient ces échanges vocaux, c'était ceux qui passaient beaucoup de temps ensemble, c'était qui avaient des liens d'affinité particuliers. Ce n'était pas avec des individus du groupe avec qui ils avaient moins d'interactions. Chez les gorilles, on a fait aussi cette étude-là chez les gorilles, on a aussi trouvé ces petits temps d'échanges vocaux dans des temps calmes. Du turn-taking. Du vocal turn-taking. C'est ça. Donc, pas de coupure de parole, le délai à peu près le même, 2,5 secondes. Et là, par contre, ce n'est pas les liens sociaux qui ont l'air de définir qui échange avec qui, mais plutôt les différences d'âge. Donc, en général, c'est des individus de même tranche d'âge, même génération, qui vont présenter ces interactions vocales. Et on a refait l'étude chez les chimpanzés, cette fois-ci en captivité, alors qu'elle avait été faite en milieu naturel, je fais mes études sur le terrain, mais il y a des fois c'est compliqué, c'est notamment tout ce qui est vocalisation douce, peu intense, bon, on risque de les louper. Et comme là, on a l'impression que ces échanges vocaux existent dans les moments calmes dans le groupe, on se dit peut-être que les auteurs de la première étude ne les ont tout simplement pas entendus parce qu'il y a eu du feuillage, parce que la distance était trop importante, et que les chimpanzés en feraient aussi. Donc on a refait l'étude en captivité, et on a trouvé... Non, on n'en a pas trouvé non plus, alors qu'on a fait, ouais, a passé beaucoup de temps à écouter, à enregistrer. Et en fait, on pense que c'est le système social, en fait, c'est les besoins du groupe qui crée ces opportunités ou pas à ces échanges vocaux. Et les chimpanzés comparés aux bonobos ont un système social qui est quand même extrêmement différent. Ils règlent leurs problèmes internes de manière très différente. Les chimpanzés sont beaucoup plus agressifs, moins coopératifs, moins tolérants que les bonobos. Donc peut-être... Oui. Non, allez-y, je vous en prie, terminez. Donc voilà, peut-être qu'en fait, c'est le système social, les besoins, comment ils se sont organisés, qui créent que ces échanges vocaux n'existent pas, ils ne respectent pas les règles qu'on l'on recherche si on veut faire un parallèle avec les conversations humaines. En une seconde, parce qu'on arrive, oui. On est un peu dans le... Non, je veux dire, c'est ce qui est propre à l'autologie, justement. C'est de bien, il faut bien connaître le système social et les modes de, enfin, tous les traits biologiques de chaque espèce pour pouvoir effectivement comprendre les modalités de la communication. On vous entend parler de la bioacoustique et du fait de vouloir privilégier évidemment l'étude et l'écoute de terrain. Il y a une autre façon d'écouter le monde vivant, c'est ce qu'on appelle l'écoacoustique, une étude en quelque sorte passive à l'échelle d'un écosystème entier. Et c'est pour cela que vous êtes rendu non pas à Saclay, mais au Musée Homme National d'Histoire Naturelle, à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, oui, dans le prolongement de la bioacoustique, il s'agit de placer un environnement balisé sur écoute pour l'analyser de manière passive. L'équipe de Jérôme Sueur étudie de cette manière différents types d'environnements sonores, des forêts chaudes tropicales en Guyane, des forêts froides comme la forêt du Rizou dans le Jura, des zones humides au Koweït ou bien encore des terres arides en Sibérie. L'idée est d'identifier et périmétrer des zones où l'on suppose qu'il puisse se dérouler un phénomène intéressant ou inattendu, d'y placer stratégiquement dans le volume des micros qu'on laisse tourner des heures, des journées et des nuits. De ces enregistrements bruts, des centaines d'heures, les chercheurs procèdent ensuite au dépouillement pour traquer les signaux caractéristiques. Un travail long et fastidieux, mais grâce aux outils de reconnaissance automatique ou d'indices mathématiques, il est possible rapidement de déceler dans l'océan des téraoctets l'écume d'informations qui pourra potentiellement amener à une découverte. Alors, l'écoacoustique en fait propose une approche de l'univers sonore animal, si vous voulez, par une approche écologique. On essaye de traiter des questions d'ordre de l'écologie par le son, alors que la bioacoustique traite de questions de comportement animal. On s'intéresse à tous les animaux qui sont dans un endroit donné, une forêt par exemple, à un moment donné. Et ça révèle des informations sur le milieu dans lequel ils habitent notamment. Donc c'est une approche plus systématique au sein d'un écosystème. Quels sont vos outils de mesure? Alors d'abord, nos outils de de collecte de données. Ce sont des enregistreurs automatiques comme celui qu'on a ici. Donc c'est des petits magnétophones. Comme c'est des boîtiers. En fait. C'est des boîtiers, ceux qui connaissent les caméras automatiques. Ça, on les voit maintenant assez souvent. C'est la même chose pour l'audio. Alors, sauf qu'ils ne se déclenchent pas quand quelque chose passe ou quand il y a un chant, mais ils enregistrent quand on leur dit d'enregistrer. Donc on les programme et on va les laisser dans le milieu. Nous, ce sont souvent des forêts. Et ils vont enregistrer donc à des heures prédéfinies. Et donc comme ça, on collecte énormément d'enregistrements. Et après, nous, on récupère manuellement, j'allais dire, hein, les données. Hein, c'est des centaines d'heures, j'imagine. C'est des centaines d'heures. Voilà, dans le Jura, on est à 140 000 fichiers par an. Donc pour le moment, on ne passe pas par de la connectique sans fil, quoi. Donc on le fait à la main. Donc Sarah, elle travaille au Koweït, elle est étudiante en doctorat ici avec nous au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et elle travaille sur des zones humides au Koweït qui sont très rares et très petites et où passent énormément d'espèces d'oiseaux, plus de 300 espèces d'oiseaux. Et l'idée est de suivre la dynamique acoustique de ces zones humides et notamment d'essayer de voir si on peut en effet suivre la dynamique de la migration, les dates d'arrivée et dates de départ de certaines espèces, et de manière plus générale, le paysage sonore, la communauté sonore de ces environnements, de voir comment ce paysage sonore évolue au cours de l'année et au cours des années aussi, potentiellement. These are some of the freshwater birds. This is after the sunrise, during the morning chorus. So you can hear their calling. Là, Sarah est en train d'ouvrir ce qu'on appelle un sonogramme. Alors, un sonogramme, c'est une manière de voir le son. Donc, c'est un graphique en trois dimensions, en fait. On a le temps en bas. Et en hauteur, enfin sur le côté, on a la fréquence et les couleurs indiquent l'intensité du son. Donc nous, ça nous est très utile parce que en fait, quand on est habitué, on voit plus vite que l'on entend. On n'a pas besoin, voilà, d'écouter la minute entière. On va vite voir s'il y a des choses intéressantes ou pas. Et là, il y a l'air d'avoir un peu de bruit en basse fréquence. En un clin d'œil, on peut repérer des. On peut repérer formes. Des formes, exactement. Qui sont caractéristiques des. Et du coup, on peut ce que fait Sylvain Aupert, c'est de travailler comme on travaille en analyse d'image. Donc tous les outils d'analyse d'image peuvent être appliqués à cette représentation graphique du son. Et donc au début, on travaillait surtout ce qu'on appelle sur les indices acoustiques. Donc c'était le moyen de comprimer un audio en une seule valeur. Une valeur moyenne, vous voulez dire ? Alors, c'est ça. Pour un fichier qui est enregistré à 48 kHz, ça fait 48 000 points fois 60, donc environ 3 millions de points. Donc on réduit un fichier qui fait 3 millions de points à seulement une seule valeur. Donc, par exemple, si on est dans une forêt qui est peu bruitée par l'activité humaine, on va pouvoir voir au chorus du matin un niveau sonore important. Pendant la journée, ça rediminue, ça remonte en l'après-midi, enfin en début de soirée, au chorus du soir. Et puis pendant la nuit, ça chute, c'est quasiment un silence, donc un bruit, un niveau sonore très très très très très, très bas. Est-ce qu'on peut attendre de ce genre d'approche et d'outils d'arriver à des découvertes, de nouveaux comportements ou de. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai un exemple là, parce qu'on est en train de travailler dessus, c'est dans la forêt de boréale de Sibérie où est allé enregistrer Simon Targovla pendant 3 semaines, avec des enregistreurs automatiques, on observe que dans cette forêt-là où il fait jour en permanence au mois de juin, qu'il n'y a pas de chorus du matin et de chorus du soir. En fait, les oiseaux, ils chantent tout le temps, et surtout vers 1h du matin, et avec un minimum vers 20h. Donc complètement différemment de ce qu'on a à la même période de l'année dans la forêt du Rizou. Donc ça, c'est pas forcément une découverte, mais c'est une mise en évidence d'un phénomène qui n'a pas forcément été documenté jusqu'à présent, et que grâce à ces outils, on peut mettre en évidence. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui enregistre ou qui compte toute la nuit, toute la journée, des oiseaux, ce qui pas forcément faisable humainement. Et là, on a quelque chose d'assez précis et assez rapide, avec seulement 3 semaines d'enregistrement à 4 magnétophones. Voilà ce reportage sur l'écho-acoustique. En un mot, une réaction, Nicolas Madvon, parce qu'on est déjà tout au bout de cette émission. Ah ben, l'écho-acoustique, c'est un des développements, c'est une fille de la bioacoustique, hein, donc c'est un des développements de la bioacoustique. Après, c'est évident que actuellement la bioacoustique, je dirais, prend à des domaines d'application qui vont donc de l'écho-acoustique, donc le suivi des écosystèmes, jusqu'à des domaines d'application comme l'effarouchement acoustique, les oiseaux sur les aéroports, ou même des l'analyse, par exemple, du phénotype vocal, c'est-à-dire de l'expression vocale de modèles souris, de modèles de maladies neurodégénératives. Enfin, voilà. Enfin, c'est un domaine qui, maintenant, avec le développement des outils numériques, de l'intelligence artificielle, va probablement apporter pas mal de choses. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci, Florence Levrero. Merci, Nicolas Madvon. D'être venu nous parler de bioacoustique et du langage des animaux. Nicolas Madvon, si vous voulez aller plus loin, on peut vous lire dans Les Animaux Parlent. Sachons les écouter, cette audition Humaine Science, on vous met les liens sur notre fil Twitter. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Jacques Azubert, aujourd'hui la technique. Demain, on repart dans l'espace avec la plus grosse fusée construite depuis le Saturn V de la NASA qui a envoyé l'être humain sur la Lune. On vous parle du Space Launch System. On va y arriver. On vous parle du Space. Non. Du Space Launch System, si. Ça va être difficile demain, dites donc, jusqu'à preuve du contraire.